Chapitre 11, deuxième partie. Après avoir quitté Bourg-en-Majar, nous traversâmes l'emplacement où se trouvait jadis la célèbre Majar, dont le passé est encore un problème pour les historiens. Il n'en reste plus rien, pas même quelques briques qui puissent attester son existence. Les Russes l'ont emporté, morceau par morceau, pour bâtir leur village. Nous approchâmes ensuite rapidement du Caucase. L'Elbrouz, la montagne la plus élevée de la chaîne, nous laissa apercevoir à différentes reprises sa tête majestueuse, presque toujours perdue dans les brouillards, comme pour se dérober à tout regard profane. La tradition nous apprend que, sur son sommet, se posa la colombe échappée à l'arche de Noé et qu'elle y cueillit ce rameau mystique qui devint plus tard pour les chrétiens un doux symbole de paix et d'espérance. Aussi, les peuples du Caucase ont-ils pour cette montagne une profonde vénération. Chrétiens, idolâtres ou musulmans, tous la regardent comme un lieu sacré. Quoiqu'à peine hors des steppes, nous voyagions alors dans un pays enchanté. Des lignes indécises qui se dessinaient et se coloraient dans l'horizon selon l'état du ciel nous annonçaient de plus en plus distinctement les Alpes caucasiennes. Elles nous apparurent d'abord en légère fantaisie de brouillard, en vapeur transparente qui semblait nager dans l'air selon le vent et les caprices de la lumière. Mais peu à peu, cette fantasmagorie aérienne se changea en montagne couverte de forêts, en gorges profondes, en dômes couronnés de vapeurs. Nous rencontrâmes plusieurs cavaliers en costume circassien qui, par leur beauté mâle et fière, nous donnèrent un échantillon de cette race caucasique, la plus belle de l'Europe. Leur physionomie résolue et leur équipement militaire annoncent un peuple montagnard et guerrier, aussi habile à garder les troupeaux qu'à se servir de la carabine dans l'occasion. Alors nos facultés avaient à peine à suffire aux émotions multipliées qu'éveillait en nous la vue d'une nature riche et vigoureuse, étalant, malgré la saison avancée, une magnifique végétation et les teintes variées de ses forêts et de ses montagnes. Les perspectives déroulaient de plus en plus à nos yeux leur océan de pics, d'escarpements, de ravins, de sommets neigeux dont nous pouvions saisir presque tous les détails. C'était beau, c'était magnifiquement beau, surtout à la pensée que tout cela représentait le Caucase. Le Caucase, nom qui évoque dans l'esprit tant de grandes pensées, tant de souvenirs historiques, auxquels se rattachent les traditions les plus reculées, les croyances les plus fabuleuses. Le Caucase, d'où les historiens font descendre, dans les premiers âges du monde, les familles primitives, souches de tant de grandes nations. À lui, tout ce qu'il y a de vague, de poétique, dans les époques que nous ne pouvons voir qu'à travers le voile mystérieux de l'Antiquité et surtout de l'imagination. Mais quel malheur, au milieu de cet enthousiasme de l'esprit, de cette extase de la pensée, que d'avoir à s'occuper des soins vulgaires du voyage et de retrouver à chaque pas de nouveaux sujets de contrariété. Parvenus à divers opus de Georgiev, nous fûmes arrêtés par la mauvaise volonté d'un écrivain qui refusa de nous donner ses chevaux, n'importe pour quel prix. Il pleuvait à verse. Le hameau se noyait dans la boue, c'était bien le cas de le dire. Nous ne savions réellement à quel saint nous vouer. Le Cosaque et Antoine coururent chez tous les paysans pour les engager à nous louer de leurs chevaux. Mais les Russes sont si paresseux qu'ils aiment mieux perdre l'occasion de gagner de l'argent que de sortir de leur bienheureuse apathie. Après 4 heures de recherches infructueuses, nos deux pourvoyeurs vinrent enfin nous rejoindre avec 3 misérables rosses qu'ils avaient enlevées de force à différents paysans. Faute d'une baraque pour nous abriter, nous avions passé tout ce temps dans la voiture. L'endroit où l'on avait dételé étant éloigné de toute habitation, force nous avait été de rester en plein air malgré la pluie furieuse qui ne cessait de tomber. Notre piètre attelage ne parvint qu'à grand-peine à nous tirer du cloaque que la pluie avait formé autour de la britchka. Un brouillard épais qui nous permettait à peine de voir à 40 pas de distance augmentait encore le découragement dû à une si longue attente. Nous eûmes jusqu'à Georgiev la route la plus détestable qu'on puisse imaginer. Cependant, le temps finit par s'éclaircir un peu, mais l'orage avait transformé en marécage les basses plaines que nous devions traverser et rendu le passage des ponts presque impraticable. Des pentes raides et fort étroites, où les chevaux pouvaient à peine se retenir, nous forcèrent plus d'une fois à mettre pied à terre au risque de laisser notre chaussure dans la boue. Les quadrupèdes avaient une allure si dolente et paraissaient tellement épuisés que nous désespérâmes longtemps d'arriver à Georgiev ce même jour. Cependant, à force de coups, le Yemchik les décida à gravir la dernière colline qui nous séparait de la ville et nous atteignîmes à 7 heures du soir un large plateau au bout duquel s'élevait fièrement la forteresse qui domine la route conduisant au Caucase. On nous avait averti que nous trouverions la foire à Georgiev, et cela nous expliqua la rencontre d'un grand nombre de cavaliers se dirigeant, comme nous, du côté de la ville. Je dois avouer en toute humilité que je n'étais pas parfaitement rassurée chaque fois qu'un de ces groupes passait à côté de notre voiture. Le mauvais temps, l'obscurité, la hardiesse avec laquelle ces montagnards s'approchaient de nous et la vue de leurs armes à demi cachées sous leur burqa noir, tout conspirait à me faire craindre quelque malencontreuse aventure. Cependant, nous arrivâmes sains et saufs à Georgiev. Ceux qui n'ont pas voyagé ne sauraient comprendre la volupté que l'on éprouve lorsque, après de grandes fatigues et mille contrariétés, on se trouve installé le soir dans une bonne chambre sur un large divan, assistant aux préparatifs du thé et oubliant, dans un repos absolu, tout ce que l'on a souffert précédemment. Le corps se plonge alors dans une béatitude toute matérielle qui l'emporte sur les plus grandes jouissances de l'esprit. On est heureux d'aspirer la vapeur odorante sortant du samovar, d'observer les apprêts du souper et du coucher, et surtout d'avoir en perspective quelques heures de délicieuse paresse avant le moment où il faudra se remettre en route. Tandis que nous savourions ainsi les douceurs du repos, la clochette d'un périclatnoï retentit tout à coup dans la cour, annonçant un nouvel arrivant. Mais nous nous inquiétâmes peu de cet incident, ayant pris la précaution, pour être plus à l'aise, de retenir pour nous seuls la chambre destinée aux voyageurs. En courant le monde, on devient malgré soi égoïste, surtout en Russie où l'on a si peu l'occasion d'être satisfait des choses et des hommes. Nous ne nous laissâmes donc nullement attendrir par les tintements de plus en plus bruyants de cette clochette réclamant un gîte au nom du pèlerin attardé. Au bout de quelques minutes, une vive dispute parut s'engager à notre porte. Nous reconnûmes, au milieu du bruit, la voix d'Antoine qui refusait avec beaucoup de résolution l'entrée de notre sanctuaire. Quant au maître de poste, son rôle semblait tout à fait négatif. Il se bornait à dire, de temps en temps, du ton le plus humble. « Nemojna, polkovnik !»« Cela ne se peut pas, colonel !» Un déluge de douraques et quelques coups de poing distribués de côté et d'autre mirent fin à la discussion. La porte s'ouvrit violemment et nous vîmes un grand individu, le nez enfoncé dans son manteau, avancer la tête d'un air furieux, faire quelques pas dans la chambre, puis s'arrêter subitement, saluer de mauvaise grâce et s'enfuir lestement, sans même essayer de profiter de sa victoire. Antoine, tout étonné d'une aussi brusque retraite, s'empressa de refermer la porte qu'il avait si bravement défendue. Après quoi, il nous raconta que cet officier, sans vouloir écouter la moindre explication, avait menacé, si on le poussait à bout, de nous faire jeter dans la rue pour prendre notre place. Cela ne nous surprit pas le moins du monde, car en Russie, c'est chose habituelle qu'un colonel agisse ainsi à l'égard de ses inférieurs. Et celui-ci, ignorant que nous fussions étrangers, s'était montré fidèle aux manières cavalières en usage dans son pays. Mais il avait été quelque peu déconcerté en reconnaissant en nous autre chose que des pomatchiks de village, aussi ses prétentions avaient-elles abouti au dénouement comique que j'ai rapporté. Nous nous amusâmes infiniment de sa déconfiture, le laissant, grâce à sa rodomontade, chercher sans pitié un gîte ailleurs. Il remonta donc sur son Pereklatnoï et s'éloigna fort en colère, maudissant sans doute du fond du cœur cette sotte aventure. Une demi-heure ne s'était pas écoulée depuis son départ qu'une autre voiture déposa dans la cour un second officier qui, beaucoup plus modeste dans ses prétentions, se contenta d'une mauvaise cuisine séparée seulement de notre chambre par une légère cloison. À peine son installation achevée, le silence fut interrompu de nouveau par de bruyants coups de fouet plus que suffisants pour mettre le pauvre maître de poste dans tous les états. Pensant qu'il n'y avait aucune raison pour que cela ne durât pas toute la nuit, nous ne daignâmes même pas faire attention à ce nouvel incident. Mais aussitôt des mots français, coupés d'éclats de rire, frappèrent nos oreilles et excitèrent vivement notre curiosité. On narrait, tout simplement et de la manière la plus plaisante, ce qui venait de se passer, récit assaisonné de mille réflexions railleuses sur la manie qu'ont les femmes de voyager et d'encombrer tous les hôtels. Ces boutades, comme bien on le pense, nous firent reconnaître immédiatement dans l'orateur le héros même de l'aventure. En forme de péroraison, il raconta qu'ayant vainement couru les rues de Georgiev et frappé à toutes les portes, il n'avait eu d'autre parti à prendre que de revenir à cette maudite station au risque de coucher dans l'écurie. Mais qu'instruit alors de l'arrivée d'un camarade et de son installation dans une cuisine, il s'était décidé à solliciter de lui la faveur de partager son taudis. Notez que toutes ces explications étaient données en français pour nous empêcher de les comprendre. C'était vraiment piquant. L'entretien devint bientôt si confidentiel que nous dûmes à notre tour élever la voix pour engager nos voisins à revenir à leur langue maternelle. Pendant toute la nuit, ils ne firent que fumer, boire du thé et se conter des histoires. Le lendemain, ayant appris par le maître de poste que nous étions français, ils le chargèrent de nous demander en leur nom la permission de venir s'excuser du dérangement qu'ils nous avaient causé la veille. Il nous fut facile de reconnaître en eux des hommes habitués à la bonne société. Nous rîmes beaucoup ensemble de notre rencontre imprévue aux confins de l'Europe et des circonstances plaisantes qui l'avaient précédée. Nous quittâmes en même temps qu'eux la station, après un déjeuner pris en commun. Chacun de ces aimables étourdis monta dans son Pereklatnoï, l'un pour prendre la route de la Perse, l'autre pour se diriger vers le nord. Quant à nous, ayant l'intention de passer quelques jours à Georgiev, afin de laisser un peu sécher la route, nous acceptâmes la proposition que nous fit le commandant général de la forteresse d'aller loger chez lui. La boue était tellement profonde dans la cour de la station de poste qu'il nous fallut, pour atteindre la calèche mise à notre disposition, passer sur un pont de planches construit exprès pour nous. Les palefreniers se voyaient obligés d'aller à cheval d'un point de la cour à un autre, ainsi que tous ceux qui avaient affaire dans la maison. En traversant la rue, nous aperçûmes un malheureux paysan embourbé jusqu'à la ceinture, faisant des efforts désespérés pour tirer de là sa voiture et ses bœufs. Cela nous rappela une charge assez spirituelle de M. Taïbou de Marigny, sur la boue d'Odessa. Dans un petit cadre, il avait représenté une rue de cette ville telle qu'on en voyait il y a une trentaine d'années, encombrée de drojkis, de voitures et de cavaliers à moitié renversés dans la fange. Sur le premier plan, un homme, enfoncé jusqu'aux épaules dans ce cloaque, semblait prendre en pitié ses compagnons d'infortune dont les efforts n'aboutissaient qu'à rendre leur situation plus critique. La tête haute, le corps immobile, la main étendue en avant, tout dans sa pose et sa physionomie expliquait les mots écrits au bas du dessin. « Je me fixe ici ». Nous trouvâmes dans le général qui nous avait offert avec tant de courtoisie l'hospitalité un grand admirateur de notre pays, ayant le mérite si rare chez les Russes d'énoncer franchement ses opinions. Fait prisonnier à la bataille d'Eylau, il avait passé plusieurs années en Lorraine et avait puisé dans ce long séjour, au milieu de nous, son vif enthousiasme pour la France. Il nous donna maints renseignements sur les tribus du Caucase portant l'obligeance jusqu'à faire venir chez lui un grand nombre de gabardiens que la foire avait attirés à Georgiev. Parmi les chefs reçus à sa table, nous en remarquâmes un dont la figure belle et sévère et l'air un peu farouche excitèrent assez vivement notre curiosité. Le général s'en aperçut et prévint notre désir en nous racontant tout ce qu'il savait sur l'histoire de ce montagnard. Je le laisserai parler lui-même pour changer le moins possible le caractère de son récit. Il y a 2 ans, à peu près, j'avais reçu l'ordre de faire une tournée parmi les tribus soumises du Caucase. Et ma mission touchait presque à sa fin, lorsque, en arrivant un soir, en vue d'un aoul situé sur une montagne dont vous pouvez apercevoir d'ici le sommet, je remarquai qu'une grande agitation régnait dans tout le village. Suivi d'un détachement de Cosaques, j'avais peu de motifs d'inquiétude, même en cas de révolte. Cependant, je ne crus pas inutile de prendre quelques précautions et je convins, avec le chef du détachement, de la conduite à tenir si nous étions attaqués. L'esprit en repos, de ce côté, je précédai de quelques centaines de pas ma petite troupe et, jouant le rôle d'éclaireur, je m'approchai à pas de loup de l'endroit où se trouvait rassemblée toute la population. Grâce autant à l'obscurité qu'à la burqa qui m'enveloppait, personne ne prit garde à moi et je pus tranquillement faire mes observations. Lorsque mes regards furent un peu familiarisés avec les lieux, je m'aperçus que le gros de la foule entourait les débris d'une maison paraissant avoir été tout récemment la proie des flammes. La fumée noire et les étincelles qui en sortaient encore jetaient sur ces ruines quelque chose de menaçant et de lugubre en harmonie avec l'état du ciel plein de menaces. Sans rien savoir de ce qui venait de s'accomplir, je ne doutais pas que cet incendie ne se rattachât à quelques scènes de violence et même de meurtre. Car je connaissais de longue date ces montagnards dont les passions violentes ne se trouvent que trop d'aliments dans la fausse position où ils sont placés, tant vis-à-vis des Russes, qu'ils détestent tout en subissant leur pouvoir, qu'à l'égard des tribus libres qui ne peuvent leur pardonner leur soumission forcée. En examinant avec plus d'attention les groupes formés autour de la maison, je remarquai, couché à terre, la tête couverte de son manteau, un gabardien que chacun regardait avec un sentiment de pitié et de respect. De plus en plus intrigué et ne voyant aucune imprudence à me faire connaître, j'allais adresser quelques questions à l'un de mes voisins, lorsqu'un bruit de chevaux vint faire tout à coup diversion aux pensées de la foule. C'était mon détachement dont l'inquiétude pour moi avait accéléré la marche. Tous les montagnards entourèrent aussitôt mes soldats, mais sans aucune des manifestations hostiles qui nous avaient accueillis dans les autres aouls. Une puissante préoccupation semblait dominer tous les esprits et leur faire même oublier le sentiment de haine qu'inspire à ces populations la seule vue d'un Cosaque. Une fois reconnu, je donnai les ordres nécessaires pour faire camper ma petite troupe, puis quand tout fut disposé pour passer tranquillement la nuit, je m'acheminai de nouveau vers le lieu où ma curiosité avait été si vivement excitée. Je retrouvai le montagnard, toujours étendu sur le sol, ressemblant à un cadavre sous la burqa noire qui le recouvrait. quelques femmes se tenaient accroupies autour de lui. L'une d'elles, fort jeune et moins affectée que les autres, satisfit enfin mon impatience, et son récit me fut bientôt confirmé par la population entière du village. L'individu gisant devant sa maison incendiée était le chef de la houle et appartenait à une famille princière qui vivait dans l'indépendance au milieu de ces montagnes. À l'âge de 20 ans, cet homme avait eu le malheur de devenir le rival de son frère aîné et, pour posséder la femme de son choix, n'avait trouvé qu'un moyen, celui de l'enlever et de venir se mettre sous la protection de la Russie. Cet acte le plus infâme dont un montagnard puisse se rendre coupable, lorsqu'il le fait librement, resta longtemps impuni au milieu des guerres engagées entre la Russie et les tribus du Caucase. Pendant plus de 15 ans, le transfuge vécut tranquille sans qu'aucun indice pût lui faire supposer que son frère s'occupât encore de lui. Sa femme était morte au bout de quelques années, le laissant père d'une fille qui devint si belle en grandissant que toute la tribu lui donna le nom de Rose de la Montagne. Maintenant, expliquons la cause de la catastrophe en question. La veille du jour où j'arrivais dans la houle, 4 montagnards libres s'y étaient présentés en amis. Pour annoncer au chef que son frère étant mort, il pouvait retourner dans ses montagnes sans avoir à craindre aucun danger. Les étrangers passèrent la nuit sous son toit et firent 1000 tentatives pour le décider à les suivre. Le lendemain, n'ayant pu vaincre son obstination, ils mirent le feu à sa maison, le frappèrent de plusieurs coups de poignard et, s'emparant de sa fille, partirent au grand galop avant que le trouble occasionné par leur double attentat permît de songer à les poursuivre. D'ailleurs, la plupart des habitants étaient alors au champ. Lorsque survint, à la tombée de la nuit, toute chance d'atteindre les meurtriers était perdue. Inutile de vous dire, n'est-ce pas, que cette victime de la vengeance d'un frère était le même cabardien qui vous a intéressé. Bien qu'on m'assurât qu'il était mort, je le fis transporter dans une maison où les soins les plus empressés lui furent prodigués. Au bout d'une heure, il ouvrit les yeux et son état finit par offrir quelque espoir. Notre connaissance, commencée d'une manière si dramatique, devint bientôt aussi intime que peut l'être la liaison d'un général russe et d'un chef montagnard. Mais pendant longtemps, toute mon influence sur l'esprit de ce malheureux père fut impuissante à combattre le désespoir et la soif de vengeance où l'avait jeté l'enlèvement de sa fille. À la tête des hommes les plus déterminés de son aoul et de quelques cosaques, il essaya de pénétrer à différentes reprises dans les montagnes où vivaient les siens. Tentatives qui n'eurent d'autres résultats que des combats acharnés et de cruelles représailles. Une 4e attaque était encore projetée lorsqu'il y a 2 mois à peine, nous apprîmes par un espion que la belle Rose de la Montagne avait été expédiée à Trébizonde pour aller de là faire l'ornement de quelque harem de Constantinople. Depuis ce temps, l'humeur sauvage du cabardien s'est sensiblement adoucie. L'idée que sa fille n'est plus dans ces montagnes détestées est comme un baume pour ses blessures morales. Il a fini par se rapprocher des officiers de la garnison auxquels son histoire avait inspiré un vif intérêt. À sa requête, j'ai sollicité pour lui un grade dans la garde de Sa Majesté l'empereur Nicolas, et j'espère que bientôt il s'éloignera de ces lieux qui lui retracent de si terribles souvenirs. Ce récit, fait en excellent français, jeta sur le chef circassien un nouveau prestige. Sa belle figure, son courage, ses malheurs, tous les événements de sa vie si remplis de poésie et de passion, le posèrent devant nous comme un véritable héros de roman. Fin de la 2e partie du 11e chapitre.